Bonsoir Maëlène, 19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Le mois de juin, c'est la Saint-Jean et la fête des voisins. C'est aussi celle de l'archéologie, par la même des archéologues. 3 jours d'ouverture de chantier, de musée, où les uns cassent les cailloux, voire d'autres endossent la peau de bête. Les journées de l'archéologie, dont France Culture est partenaire, c'est depuis hier jusqu'à demain, plus de 1000 manifestations dans 600 lieux, dont Rézé-Corté-Thésée, Soissons-Dijon-Arpajon, Hennebon ou Tarascon. Passy ou Neuville, Le Mans-Locronan comme Châteaubriant. Parce qu'elle n'a pas son pareil, je me suis rendu à Marseille. À 2 pas du Vieux-Port, Laurent Védrine, conservateur du musée d'archéologie de la ville, crée un village de l'archéologie. Mon rendez-vous, tout savoir sur l'apport des fouilles à l'histoire de la première cité de France. Laurent Védrine. Que doit la Gaule à Marseille? Le vin, la monnaie, l'écriture, mais surtout l'urbanisme et l'hellénisme? Oui, c'est tout ça à la fois avec cette porte d'entrée en fait qui était la cité donc grecque de Massalia vers la Gaule, avec effectivement énormément d'emprunts culturels, d'emprunts commerciaux, et également l'huile d'olive. C'est aussi une belle histoire d'une union entre l'hellénisme et le monde celte. Voilà, cette union, en fait, est illustrée par l'affiche qu'on a devant nous et par un mythe de fondation. Une légende qui remonte au plus tard, donc au 4e siècle avant Jésus-Christ. Cette légende, en fait, raconte un mariage qui est organisé avec un grand banquet organisé par un roi qui s'appelle Nannos, le roi des Ségobriges. On est sur le territoire de la Provence, on est proche de Massilia, qui n'existe pas encore. Et ce roi donc décide que sa fille, qui s'appelle Gyptis, va choisir l'élu de son cœur, va choisir son futur époux. Et donc pour ceci, il organise un vaste banquet avec tous les notables des environs. Et parmi ces notables, parmi ces personnes, ces convives, il y a les derniers arrivés sur ce territoire, que sont les Grecs de Phocée. Et la belle Gyptis, la belle princesse, va choisir l'élu de son cœur en tendant une coupe d'eau à celui qui est un marin grec qui s'appelle Protis. Et en guise de dot, en guise de cadeau de mariage, le roi Nannos va offrir un territoire qui est le territoire sur lequel va être implantée la cité de Massalia. Une histoire mythique, mais qui montre comment une population peut s'installer ? Oui, complètement, parce que effectivement, c'est une légende. Ces personnages n'ont probablement pas existé. En revanche, cette légende, ce mythe, fait partie de l'histoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a choisi en fait ce mythe pour porter sur les fonts baptismaux donc cette cité de Massalia. On parle de rencontre en fait entre deux cultures, entre deux civilisations. On parle aussi d'un libre choix de la femme donc pour choisir son épouse, qui est peu fréquent dans les histoires que l'on connaît, dans les mythes de fondation. Les seuls points de comparaison, on les retrouve en Inde. Donc là aussi, c'est assez intéressant. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est bien sûr de pouvoir mettre en perspective ce mythe de fondation avec la réalité archéologique. Et justement, la réalité archéologique, elle est juste devant nous. On va se diriger vers ces deux pièces. Nous voici dans l'union du monde celtique et du monde hellénistique. Oui, on a en fait deux objets témoins qui sont des indices intéressants de cette relation entre Grecs et Gaulois. Les archéologues ont trouvé il y a un peu plus d'une quarantaine d'années, devant le Fort Saint-Jean, sur le parvis d'une église qui s'appelle l'église Saint-Laurent, les premières maisons connues donc à Marseille. On est aux alentours donc du premier quart du 6e avant Jésus-Christ. Et dans une de ces maisons, donc en contexte, on a découvert ce que l'on voit sous nos yeux ici, un gobelet noir, caréné, une forme typiquement gauloise, avec une céramique, un vase qui n'est pas tourné. Et au-dessus, présenté ici, donc on a un couvercle, donc en céramique tournée, d'inspiration totalement grecque. C'est l'un des indices parmi d'autres de relations entre Grecs et Gaulois. Pourquoi pas, j'ose parler de population mixte à un moment donné, qui n'était peut-être pas loin de la systématique, mais qui n'était pas forcément rare. Juste à côté, une pièce bien différente. Il n'y a pas que les Grecs et les Gaulois ici. Oui, exactement. Donc, on a ici présenté donc un brasero étrusque, typique là aussi d'une culture qui vient du nord de l'Italie. On a de nombreux objets qui ont été découverts par les archéologues, donc de nombreux objets étrusques. Donc, est-ce qu'il s'agit d'objets simplement commerciaux qui ont transité par Marseille ou qui ont été utilisés à Marseille, ou est-ce qu'il s'agit aussi de témoins à un moment donné d'une présence étrusque ? Sans doute les deux. On a notamment des graffitis donc étrusques qui sont portés sur un certain nombre de vases, sur un certain nombre de pièces, qui attestent la présence d'étrusques ici dans la cité portuaire de Massalia. Laurent Védrine, que doit Marseille à l'archéologie ? Beaucoup de choses. Tout d'abord, c'est vrai que Marseille doit avoir des témoignages matériels de sa très longue histoire. Donc Marseille est la plus ancienne ville de France, fondée en 600 avant Jésus-Christ. Et pendant bien longtemps, on a parlé d'une Marseille en ville antique sans antiquité, qui revenait un petit peu comme une enseigne, comme un slogan, là aussi en comparaison d'autres villes où vous avez des vestiges antiques qui sont très visibles dans la ville. On peut parler de Nîmes, on peut parler d'Arles, on peut parler d'Orange. Et il a fallu attendre donc les grands travaux d'urbanisme de la fin du 19e siècle et surtout les fouilles de la Bourse à partir de 1967 pour pouvoir découvrir des vestiges matériels donc de la ville grecque et de la ville romaine et de pouvoir les présenter aux Marseillais, donc aux visiteurs de la ville. Dans votre musée et derrière une grande vitre, on voit quasi la mer, ou du moins on voyait la mer au 6e siècle avant notre ère ? Là, on parle de la dynamique des paysages et de l'évolution de ces paysages. On a en face de nous, quand on est dans le musée, on voit ce site archéologique comme une espèce de salle de musée à ciel ouvert. Et ces vestiges présentent notamment en fait le port romain de Marseille. Donc la mer arrivait jusque-là. On est, si vous voulez, en présence même du vieux port. Et petit à petit, en fait, la mer s'est retirée, ou plutôt la terre a gagné sur la mer. Et donc, cette zone qui est extrêmement à l'abri des courants s'est progressivement envasée. Et c'est dans cette zone qu'on a trouvé notamment l'épave de la Bourse. Qu'est-ce qui a été trouvé justement dans ce grand projet ? On est dans les années quoi ? Il y a environ 50 ans ? D'ailleurs, cette année 2017, nous célébrons l'anniversaire en fait du début de ces très grandes fouilles archéologiques urbaines. On a trouvé, pour aller à l'essentiel, trois ensembles très importants sur ces 3 hectares d'investigation archéologique. D'une part, donc le port romain qui succède donc au port grec de Marseille, avec ensuite devant ce port, l'entrée principale de la ville donc de Marseille. Et cette entrée, en fait, est une percée, une ouverture dans les remparts hellénistiques de la ville, donc du 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ, que l'on voit ici sous nos yeux, avec des blocs en très grande appareil, avec un calcaire de très belle couleur. On est sur une couleur un petit peu rose-orangée, avec du calcaire qui vient des carrières de la couronne. Et enfin, troisième élément extrêmement important, très structurant par rapport donc à ce site archéologique, c'est cette voie que l'on voit ici, une voie avec des grandes dalles, avec un calcaire blanc extrêmement dur, qui permettait notamment aux chars de circuler là. On est dans un axe est-ouest, donc qui correspond au cardo en fait d'une ville antique. Dessous, on a une calade du 4e siècle avant Jésus-Christ, donc une voie grecque. Et ce qui est absolument formidable, c'est que quand on regarde en direction donc du Fort Saint-Jean, du Mucem, de l'église des Accoules, on voit que la trame urbaine actuelle a conservé le tracé tout simplement de la plus ancienne rue de France. Laurent Védrine, donc on avait des bateaux sous nos pieds il y a 50 ans ? Il y a 50 ans, on avait des bateaux, et notamment un bateau qui est assez extraordinaire par ses dimensions et aussi par la conservation qui en a été faite. C'est le bateau de la Bourse, qui était au pied du parking. D'ailleurs, il faut imaginer ce musée, au départ, initialement, il était prévu d'en faire un parking, hein, sous un centre commercial. Donc c'est vraiment en fait une configuration très particulière. Et lors des fouilles archéologiques, a été mis au jour, donc en 1974, cet énorme bateau qui ensuite a fait l'objet d'une campagne de conservation-restauration qui était vraiment une première mondiale, en reprenant en fait les techniques de l'agroalimentaire. Hein, on connaît tous ces sachets lyophilisés de soupe. Ben là, c'est un peu le même principe. On va donc lyophiliser un bateau qui fait plus d'une vingtaine de mètres de long et 8 mètres de large pour qu'ensuite ce bateau puisse être conservé et présenté au public. Depuis hier et jusqu'à demain, votre musée, Laurent Védrine, est au cœur de la fête de ces Journées nationales de l'archéologie. Toutefois, il y a 50 ans, l'archéologie n'était pas vraiment à la fête à Marseille. Alors, au départ, ça s'est fait un petit peu dans la douleur, hein, il faut le dire, et puis dans la confrontation, dans le rapport de force, avec un aménageur. Faut imaginer 67, on est vraiment en pleine Trente Glorieuses. Il y a eu déjà donc un projet d'urbanisme. Faut imaginer le secteur où on est, est surplombé par trois très grandes tours construites par l'architecte Labourdette. Et le projet du maire de l'époque, donc Gaston Defer, c'est de pouvoir poursuivre ce grand projet d'urbanisme et en quelque sorte, il voulait créer une vraie centralité donc pour la ville de Marseille. Et les premiers coups de pelleteuse, de pioche, de godet sont lancés. Et on savait qu'à cet endroit-là, il y avait des vestiges parce que dans les années 1910, on avait découvert en fait un mur de cave d'une maison du début du XXe siècle. Elle s'avérait être une portion en fait du rempart grec de la ville qu'on a appelé ensuite le mur de Crinas. Ce petit bout de mur a été classé donc monument historique en 1916 et donc André Malraux, ministre de la Culture de l'époque, s'est à un moment donné donc opposé donc au projet d'urbanisme et immobilier de Gaston Defer en disant réalisons des fouilles pendant un an et à partir donc de ces investigations archéologiques, nous prendrons une décision. Et la décision, ça a été notamment de réaliser les premières grandes fouilles archéologiques urbaines en France qui ont duré près d'une quinzaine d'années, qui se sont étendues sur près de 3 hectares. On écoute Gaston Defer. Reste ensuite à savoir ce que l'on fera de ces vestiges. Bien, voyez-vous, aucun de ceux qui ont écrit ou délibéré ces derniers mois n'est capable de le dire, car il ne s'agit pas de trésors artistiques comme le Parthénon d'Athènes ou le Forum de Rome, mais de vestiges archéologiques. Il faut pour ça des spécialistes. La municipalité sera consultée, j'espère, personnellement, où l'on pourra tout à la fois conserver les vestiges et poursuivre le programme de modernisation du centre de Marseille, car il ne faut pas oublier que si le passé est une chose importante, l'avenir compte. Laurent Védrine, les vestiges découverts au centre de la Bourse, c'était quand même pas le Parthénon, nous dit Gaston Defer. Certes, ce n'est pas le Parthénon, c'est même encore mieux que le Parthénon, si on peut dire, parce que non, c'est extrêmement important par rapport à la connaissance à la fois donc de l'histoire de la ville, mais bien au-delà de ça, en fait, hein, c'est la connaissance justement de ce qui se passe en Gaule, des relations entre le monde méditerranéen, entre l'espace méditerranéen et l'Europe, pour aller vite, avec des vestiges qui sont absolument considérables et qu'aujourd'hui, l'on peut faire découvrir, montrer donc au public. Je reviens sur Gaston Defer parce que l'histoire n'est pas inintéressante. Gaston Defer, c'est bien sûr un maire, c'est aussi un homme d'édition, un homme de presse. Il fait du référendum de l'archéologie dans son journal. Voilà, c'est là aussi, ce qui est très intéressant, c'est voir un petit peu les mouvements au sein de l'opinion, et notamment au sein de la population marseillaise. Gaston Defer, maire, mais également patron de presse hein, du Provençal, et Gaston Defer organise en fait un référendum, grosso modo, pour ou contre la sauvegarde des vestiges. Et dans le contre, c'est « mais est-ce que vous souhaitez payer 5 milliards hein, d'anciens francs d'impôts supplémentaires et perdre 2000 emplois ?» ou au contraire, donc sauvegarder les vestiges. C'était à peu près posé en ces termes, mais on voit ensuite qu'il y a eu une évolution qui, je pense, est salutaire et qu'on reconnaît tous aujourd'hui, qu'on apprécie tous aujourd'hui. Au cours de l'été 1993, deux épaves grecques archaïques sont mises au jour place de la Bourse. Oui, alors ces deux épaves, en fait, on a la chance de pouvoir les découvrir ici. Donc, ce sont pour nous des objets phares hein, dans le cadre du parcours muséographique du musée. Une première épave vraiment extraordinaire, en fait, il s'agit d'un bateau cousu avec des planches qui étaient liées les unes avec les autres. Et l'équipe hein, de Patrice Paumet donc, a pu étudier ce navire, bateau cousu, l'un des plus anciens hein, navires assemblés que l'on connaisse. Et aussi, ce qui est assez extraordinaire par rapport à cette barque, cette grande barque d'une dizaine de mètres de long, hein, dont on voit ici les vestiges, c'est qu'en fait, les éléments de calfatage, donc ce mélange en fait de résine, de braie avec de la cire d'abeille qui était mis pour éviter que il y ait des voies d'eau, hein, que l'eau pénètre en fait dans le bateau, a emprisonné énormément de petits fragments issus de la pêche hein, qu'on pouvait faire avec cette barque, et notamment énormément de petits fragments de corail rouge. C'est l'une des premières attestations archéologiques donc de pêche au corail rouge dans l'histoire de l'humanité. Juste en face, puisque nous sommes devant, une sorte d'énorme bateau, ça fait quoi, 15 mètres de long? Ce bateau s'appelle Jules Verne 7. Alors pourquoi Jules Verne 7, Jules Verne 9, etc., etc. En fait, c'est le nom de la place où ont été découverts en fait l'ensemble de ces navires. Et ce bateau, ce qui est très intéressant, bien sûr, c'est son âge, sans doute hein, la période donc des petits enfants hein, des fondateurs de Marseille. Et ce bateau présente une innovation technique considérable. On est toujours en présence de planches qui sont assemblées, donc technique grecque archaïque, mais on voit apparaître une nouvelle technique en fait d'assemblage, qui est un assemblage par tenons et mortaises bloqués par des chevilles. Et cette technique d'assemblage en fait inaugure quasiment 26 siècles de construction navale, hein, jusqu'à la construction navale d'aujourd'hui, qui permet d'avoir des bateaux de beaucoup plus fort tonnage et donc de pouvoir développer en fait les voyages, les explorations, le commerce, donc les relations entre les différentes parties du monde méditerranéen. Alors, ce qui est très important, c'est que le monde grec, on va réellement le toucher au travers de la céramique. Là, vraiment, on est dans le monde grec. C'était un des enjeux de ce musée, c'était pouvoir donner une matérialité à cette histoire plurimillénaire. Et là, par exemple, on voit donc des importations grecques avec d'une part de la vaisselle, notamment qui vient donc d'Attique, qui a été retrouvée donc dans un contexte d'épave, hein, de naufrage en fait de bateaux grecs, et d'autre part donc de la céramique en contexte d'utilisation. Et toute cette céramique permet de voir justement les grands courants hein, commerciaux, les différentes origines en fait de la céramique trouvée ici à Marseille. Ça vient d'Athènes, ça vient de Corinthe? Ça vient donc d'Attique, d'Athènes, ça vient de Corinthe. Nous avons ici la céramique à figure noire, il y a également la céramique à figure rouge. Et là aussi, ce qui est extrêmement intéressant, au-delà donc de ces vases, au-delà de pratiques culturelles, de pratiques culinaires, c'est aussi un petit peu la culture qui est véhiculée à travers les images qui sont représentées hein, sur ces vases, ces grands mythes, ces grandes histoires, ces épopées, en fait, qui vont pénétrer hein, donc sur le sol gaulois. Juste à côté. Aussi la matérialité de l'arrivée des bateaux des pentécanteurs grecs du VIe siècle, un graffiti ou un graffito. Oui, là, quelque chose d'assez exceptionnel, donc qui a été découvert par l'équipe de Marc Bouiron lors des fouilles de l'Alcazar. Et l'on voit un bloc de calcaire, et sur ce bloc de calcaire, en fait, il y a de nombreux traits gravés, de nombreuses incisions qui représentent trois bateaux, trois navires hein, de guerre. On voit très très nettement l'éperon qui se dessine, avec également donc les rames de ces navires. Et on est peut-être en présence en fait de navires qui sont cités par les auteurs grecs, ce qu'on appelle les pentécontors ou pentécontères, donc ces navires à 50 rameurs. Et on voit aussi donc sur ce bloc gravé un certain nombre de représentations humaines, probablement donc d'habitants en fait hein, de la cité phocéenne. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Laurent Védrine, dans Marseille, récemment, a été découvert une sorte de temple sous un collège, le collège Vieux-Port. La monumentalité, nous l'avons. Ici, un chapiteau gigantesque. Donc un chapiteau, en fait, ionique, de style ionique, d'inspiration ionienne. Donc aussi, c'est intéressant. Donc les origines de Marseille, ce sont ces 7 cités phocéennes, la cité de Phocé, et peut-être aussi d'autres cités qui sont proches, notamment Éphèse et Mylène. Et là, on est en présence, en fait, d'un chapiteau qui a été découvert donc en remploi au pied d'une des buttes sur lesquelles il devait y avoir donc un des temples donc grecs de Marseille, et on voit donc c'est très richement décoré avec des petits œilletons en marbre. Et les spécialistes de l'architecture antique donc ont fait des hypothèses de restitution, notamment de la hauteur donc de la colonne qui pouvait y avoir, donc sans doute 8 mètres de haut, donc quelque chose d'assez gigantesque, un petit peu à l'instar du temple de Syracuse. Et donc on est en présence du seul indice matériel des temples dont nous parlent les textes anciens. On nous parle d'un temple dédié à la divinité Polyade de la cité qui est Athéna. On nous parle aussi d'Apollon, on nous parle également d'Artémis, Artémis d'Éphèse. Donc voilà un témoignage important que l'on présente au milieu d'autres ensembles, et notamment toute une série d'ex-votos qu'on appelle les naiskoi d'époque grecque, un petit peu à l'instar là aussi des ex-votos qu'on peut retrouver à Notre-Dame de la Garde aujourd'hui, pour demander quelque chose à une divinité ou pour remercier. Et cet ensemble qui est vraiment d'inspiration de Grèce de l'Est, d'Ionie, est présenté en vis-à-vis donc de tout un ensemble, de toute une culture matérielle liée donc aux Gaulois, à la présence gauloise donc autour du territoire de Marseille. Je reviens sur ce chapiteau. Il y aurait eu des inscriptions qui auraient été découvertes récemment ? À l'occasion de la rénovation, la réouverture de ce musée en 2013 pour la capitale européenne de la culture, donc il y a eu un très très vaste programme de restauration qui a été fait, qui a permis, on avait un chapiteau qui était tout encrassé, bon, tout sale, etc., etc. Et ça a permis véritablement de le nettoyer et de repérer en fait des graffitis qui demandent aujourd'hui à être étudiés. Marseille est bien sûr confrontée à son arrière-pays. Quelles vont être les relations entre Marseille et le monde celtique ? Alors, au départ, en fait, les textes et l'archéologie convergent pour dire qu'il y a des relations donc commerciales, des relations amicales. Ce mythe de fondation, là aussi, en est une preuve. En fait, à un moment donné, ces relations donc commerciales, amicales, vont se tendre. Et vont se tendre. Et là, on a donc des témoignages, par exemple, littéraires, avec un siège, le siège d'un Gaulois qui s'appelle Catumandus, qui va se retrouver donc devant les fortifications qu'on a ici, de Marseille grecque. Et on a donc un certain nombre de traces archéologiques de destruction d'agglomérations gauloises. Alors, on se pose la question de savoir, est-ce qu'il s'agit de l'armement grec ou de l'armement romain ? On sait que Marseille et Rome étaient alliés depuis très très longtemps, donc depuis la fondation de Marseille. Donc on a des relations qui sont extrêmement complexes, et cette complexité aussi est en lien très probablement donc à l'utilisation qui est faite du territoire autour de Marseille. Au départ, on est en présence d'un emporion, en fait d'une cité qui est véritablement tournée vers le domaine maritime, qui est vraiment un lieu de redistribution, et ensuite Marseille et son arrière-pays vont être un lieu de production, avec donc une culture spéculative à la fois donc de vignes et aussi donc la culture de l'huile d'olive. Et peut-être qu'à un moment donné, il y a une pression foncière qui s'est exercée donc sur l'arrière-pays marseillais, qui a été source de tensions, source de conflits. Vous me parliez de l'alliance entre les Grecs de Marseille et Rome, mais en 1949, Rome attaque tout de même Marseille. Et ce sera sa fin. Parce que Marseille a fait le mauvais choix politique à un moment donné, donc en pleine guerre civile romaine entre Pompée et César. Et effectivement, donc devant les remparts que l'on voit aujourd'hui, il faut imaginer une légion romaine donc menée par le légat Trébonus, qui va assiéger la ville, et côté donc maritime, donc toute une flotte qui va combattre la puissante et célèbre flotte donc massaliote. Et à partir de ce moment-là, en fait, bon, la ville ne va pas être détruite, hein, donc encore une fois, peut-être en s'appuyant sur ces liens d'amitié extrêmement forts entre Marseille et Rome. En revanche, Marseille va être la dernière cité grecque libre, et donc qui va perdre son indépendance et qui va être rattachée à Rome. D'ailleurs, César le dit, considérant plutôt son nom et son antiquité que sa conduite envers lui. C'est bien ça ? Je pense qu'il a bien résumé la situation. Il ne rase pas la ville. Il ne rase pas la ville. Nous ne sommes pas en présence de Carthage ou d'une autre ville. En fait, là aussi, on a des attestations archéologiques d'une ville qui continue à être extrêmement présente d'un point de vue économique, commercial. On a aussi une trace très intéressante, un témoignage donc d'une taxe douanière du 40e des Gaules qui est retrouvée sur une tablette. Donc on voit que Marseille, même si Arles se développe également, ce grand port fluvio-maritime, Marseille garde toute sa place dans l'économie antique et notamment comme port de redistribution. Donc, à l'occasion des journées de l'archéologie, c'est-à-dire hier, aujourd'hui et demain, vous faites venir une armée grecque. On utilise en fait un décor absolument extraordinaire que sont ces remparts hellénistiques de Marseille pour en fait présenter, ce sont des reconstituteurs, alors extrêmement rigoureux, très très pointillistes par rapport justement aux données scientifiques qui permettent de s'inspirer notamment par rapport aux techniques de combat, par rapport aux uniformes qui sont utilisés, une troupe qui s'appelle les somatophylaques qui vont présenter notamment à la fois donc l'histoire, la culture donc guerrière des hoplites, et aussi on va présenter donc autre chose. On a un ensemble exceptionnel autour de l'Antiquité tardive, autour des premières traces du christianisme, et donc il y a une troupe qui va évoquer justement là aussi tout ce qui est lié à la culture donc paléochrétienne. Laure Védrine, le mythe de Protis et de Gyptis, l'union de la culture hellénistique et celtique, a été transmis dès le 4e siècle avant notre ère, vous me le disiez. Est-il encore vivant 2500 ans plus tard dans la Marseille moderne ? Oui, tous les petits écoliers connaissent l'histoire de cette rencontre entre cette belle princesse gauloise et ce beau marin grec. C'est extrêmement présent à la fois dans les manuels scolaires, dans ce qui est conté ici, et c'est véritablement une vraie responsabilité des musées d'histoire en général et des musées d'archéologie sur justement quelle est la représentation de notre histoire, de notre passé. C'est aussi pour ça qu'il y a eu ce choix à un moment donné, certes, de présenter donc cette culture, cette matérialité de la civilisation grecque, mais aussi de présenter ce qui se passe sur le territoire gaulois avec aussi des éléments assez extraordinaires, notamment en termes de sculpture de cette culture gauloise. Laurent Védrine, vous avez un objet, votre objet archéologique ? Alors, l'objet que je choisis, en fait, c'est plutôt un ensemble. C'est cet ensemble sculpté en fait de roc Pertus. On est à une quarantaine de kilomètres de Marseille, sur la commune de Velo, donc une agglomération gauloise. Et là, on a en face de nous trois piliers dans lesquels en fait il y a des cavités pour présenter donc des crânes ou des représentations donc de visages humains. Et au-dessus sont présentés donc deux sculptures d'hommes qui sont assis en tailleur. Et ces deux sculptures, en fait, l'ensemble est peint, c'est très richement décoré. Donc ces deux hommes qui sont dans une attitude extrêmement calme, extrêmement paisible, portent à la fois des attributs guerriers avec des éléments de cuirasse et aussi des attributs liés donc à des bijoux, avec notamment des torques, avec des bracelets, et a été mis en évidence à l'occasion de la rénovation du musée, la présentation, la restauration des pièces, en fait un système d'assemblage entre l'un de ces piliers et donc ces grandes statues assises. Donc il faut imaginer ces représentations peut-être de héros qui étaient placés au-dessus de piliers qui eux-mêmes présentaient en fait des crânes. Et moi je trouve que en fait cet ensemble, au-delà de la force esthétique qui s'en dégage, pose aussi la question de la relation qu'il peut y avoir entre nos représentations ici humaines et ces crânes. Est-ce qu'il s'agit peut-être d'ennemis ? On connaît donc toute cette tradition hein, des têtes coupées. Est-ce qu'il s'agit peut-être de représentations en fait de lignées pour montrer un petit peu ben, ces grandes lignées aristocratiques qui puisent aussi certainement leur force et leur pouvoir donc de ces grandes lignées. Voilà, en tout cas moi ça me pose énormément de questions et on espère ben, bien sûr qu'il pourra y avoir donc tout un programme qui va permettre d'en savoir un petit peu plus hein, justement sur ces grandes familles et sur cet ensemble. Ensemble de Roquepertuse. À découvrir donc demain, partout en France, les Journées nationales de l'archéologie. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, la technique Bruno Mourlan et la contribution d'Anne-Catherine Lechard. Vous pouvez podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou écouter plus de 300 archives sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, Carbone 14, au plus près de l'actualité brûlante, évoquera un sujet actuellement sous embargo et remontera ainsi la nuit des temps.